بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم رف منار الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين. Le fait d'honorer la religion par ses vraies valeurs et d'annihiler des idéologies de ceux qui appellent à l'indulgence ou tolérance avec les mécréants. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. Troisième leçon. Inna alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran amma ba'd. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va clôturer ce livre qu'on a pris de façon vraiment résumée. Il y a plein de choubouettes que je n'ai pas citées, c'est sûr. Mais les principales, celui qui a compris celle-là, ce sont les piliers de leur choubouette, sont celles-ci. Les plus grosses sont celles qu'on a évoquées. Si tu as compris celles-ci, les autres, elles sont celles. Et c'est celles qui se répètent le plus souvent, sont celles-ci. Donc, tu as statué un tafkour l'ana, ma yallati akhazna ams, ou ba'daha. Certains de ceux qu'on a pris hier, surtout Kafirun, ils disent quoi avec ? À vous votre religion et à moi la mienne. C'est drôle que. Dans quel sens ? Dans le fait que. Garde ta religion et nous on garde la nôtre. Zid. Je vois où tu vas en venir, mais. C'est de. Taoudih Akhtar. Par rapport à ce qu'eux ils veulent. Eux utilisent cet argument-là pour justifier que chacun peut avoir sa religion. Non. Nous on a l'islam, notre religion. Toi ta religion c'est telle et telle religion. Et il n'y a pas de problème. Tu as choisi. Toi ta religion, moi j'ai la mienne. Taïeb. Et c'est quoi la réponse ? C'est une chose qui a été dite, maintenant je ne sais pas si elle a été confirmée. Le café a dit qu'il a été dit, maintenant est-ce que c'est une chose qui a été affirmée qu'un hadith sahih ou quoi, ça je ne sais pas. Mais dans le tafsir, il a dit qu'il a anna kaza wa kaza wa kaza. Ah là, c'est ça qu'il faut voir. Mais il n'a pas non plus, il n'a pas encore la chose, il n'a pas renié, mais il a dit qu'il a. Mais quand c'est une chose sûre, ils disent ja'a, ou sabata kaza wa kaza wa kaza. Non. Donc c'est une raison qui était évoquée. Maintenant, est-ce qu'elle est sahiha ? Ça, faut voir. Moi pour ma part, je ne sais pas. J'ai entendu cette histoire-là, mais est-ce qu'il y a un hadith sahih qui l'évoque ou quoi ? Je ne me rappelle pas. Tamam. Wa kadhalika. C'est mieux occupé de lui. Donc ça, ils utilisent pour battre les muslims, c'est bien calme. D'ailleurs. Et ça, en fait, il y a Dillet. Miskinem ou Yatima ou Asira. Qu'ils nourrissent, en dépit de leur amour, le pauvre, l'orphelin et le prisonnier. Donc, c'est une chose qui fait partie de l'islam, de nourrir le prisonnier. Et ça a porté ses fruits. Hein? Il s'est passé quoi après? Il s'est converti. Mais c'est là qu'ils l'ont libéré. Quand ils ont vu de lui que. Il avait un penchant pour la religion, il commence à avoir de la clairvoyance pour la religion, c'est là qu'on l'a libéré. Mais il aurait été un prisonnier hostile, Allah Alam, comment ça serait passé, mais pas comme ça. Tayyib, wa kadhalika. Le fait de donner zakat au kuffar. Zakat au kuffar, c'était quoi la réponse? Le fait de musulman. Maintenant que l'islam est devenu fort. Il n'y a plus besoin. Quand on dit fort, même à ce jour, c'est pas dans le sens où l'islam, il est en force, c'est-à-dire qu'il contrôle le monde ou ce genre de choses. Non, c'est qu'aujourd'hui l'islam, il est répandu. Et les musulmans sont très nombreux. Alors qu'avant, ils étaient peu nombreux. L'islam était pas dans le sens où il fallait qu'il se propage, qu'il se fasse connaître. Aujourd'hui, il est connu l'islam. Même si c'est vrai que le hel de la Ummah, il est faible en soi, l'islam, c'est une religion qui est connue maintenant. Il y a plein de musulmans. Vous voyez, il y a plein de musulmans. Donc c'est plus une région qui a son début qui est fragile. Alors qu'au début, à cette époque-là, le Messie même commençait la da'wa. Donc c'est là qu'il fallait renforcer la chose. Maintenant, il n'y a plus besoin. L'islam, on entend parler partout dans le monde. Takriban. Dans le monde entier, on entend parler de l'islam. Partout où il y a des médias ou ce genre de choses, l'islam, on entend parler. Que ce soit en bien ou en mal, on entend parler, en tout cas. Et c'est plus en mal qu'en bien. Naam, wa kadhalika. Qabla hadha, il y avait un autre truc. Quand le Nabiyou sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Mekka, il leur a dit quoi? Que vais-je faire de vous? Que pensez-vous que je vais faire de vous? Ils vont dire Khayron, Akhun Kalim ou Ibn Kalim. Aïwa. Il a dit quoi? Il a dit Kama qala Yusuf l'Ikhwanihi, la tathrib alaykum al-yawm. Il n'y a nul reproche aujourd'hui. Wa antum talqa ou talqa. Vous êtes libre. Vous êtes gracié. C'était quoi la réponse à cette histoire? Qissa da'ifa, lana mursala wa murdala. Il y a deux illa, il y a l'irsel, car c'est Ibn Ishaq, Mohamed Ibn Ishaq, Ibn Yassar, qui l'a rapporté de son cheikh. On ne sait pas qui il est, c'est un majhoul. Et son cheikh n'était pas un tabi'i. Donc c'est-à-dire qu'entre le sahabi qui a rapporté l'histoire, il n'y a même pas de nom qui était rapporté, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas citées. Donc il y a une kitar de la suite, c'est ça le irdal. Également, cela implique un irsel, parce que ça arrive également que le sahabi qui a rapporté l'histoire, il n'est pas cité. Voilà. Donc l'histoire est très faible. Voilà, ta salam li shawahid, aula li ihtijaj. Taïeb. Aujourd'hui, avant de faire le khurasa de shir, des méfaits auxquels que peuvent engendrer ces shubuhat, cette da'wa, d'abord, c'était une chose que Cheikh Al-Islam Taymiyyah, rahmallahu ta'ala, il a apporté dans son Majmou' al-Fatawa, volume 28, page 651, à propos des shurouts que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, les shurouts émises sur les chrétiens lorsqu'ils a conquis la terre de Cham, les chrétiens qui y vivaient. Al-Kitab. Khassa bi Al-Kitab. Et c'est des chrétiens même. Donc des conditions de quoi relever la tête de la Ummah pour ceux qui en prennent conscience, mais de quoi également t'attrister de te dire qu'aujourd'hui c'est nous qui y sommes. Et pour que les gens se rappellent, quand tu vas entendre, quand tu les entends, tu te dis, ah ouais, ça c'est la force. Ah, c'est la force. Taïeb. Faqala, rahimahullah ta'ala, faslun, fi shurut, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, allati sharataha ala al-zimmati lamma qadima al-sham, wa sharatahum bi hadar min al-muhajirin wa al-ansar, radiallahu anhum. Wa alil amalu min, inda aimati al-muslimin, yakuli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره وقوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر لأن هذا صار إجماعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc voici les conditions que Omar a imposées aux gens de la Zimma, c'est-à-dire ceux qui sont sur le pacte, et là c'était les chrétiens en particulier, lorsqu'il vint au Cham. Le Cham, c'est équivaut à la Grande Syrie, la Jordanie, tout ça. Tout ce qui est Syrie, Jordanie, dans ce secteur-là. Et cela, ces conditions, il les a mises en présence de qui? De certains Muhajirin et d'Ansar. Il y a d'autres Sahaba qui étaient là. Donc ils sont mis d'accord là-dessus. Donc les imams de l'islam disent qu'il faut appliquer ces shurouts. Et cela par observance du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « Accrochez-vous ma sunna et celle de mes califes bien guidés, d'après moi. » Là, il y a une tahbi par rapport à ce hadith, c'est que ce n'est pas tout ce que va dire l'un des califes qui sera forcément une hujja, un argument. Cheikh Al-Albani, il a expliqué ça. Il se peut que demain, un des califes dise une chose, et ce n'est pas obligé de la suivre. C'est-à-dire la parole d'un calife bien guidé, ce n'est pas un délit en soi. Le hadith, dans l'englobe quoi ? Parce que c'est les quatre. Une chose sur laquelle ils sont d'accord et qui ne contredit pas la sunna. Tu œuvres avec. Donc le hadith faut comprendre. Vous voyez, le hadith faut comprendre. En tout cas, là, dans le cas de Omar, là, là, ça coordonne tout à fait. C'est de l'ismar. C'est de l'ismar. Par rapport à lui, plus les Muhajir et Ansar. Ouais, que si des sahabas sont au courant et que personne n'a rien dit, le kalam d'un sahabi et un khilaf, est-ce que ça devient une hujja ou pas ? Un argument ou pas ? Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui, mais à condition que cette parole du sahabi ait été connue par d'autres sahabas et que personne n'a fait d'inkar, n'a blâmé, n'a été contre. Et bien sûr, cette parole coordonne avec les textes. Cette parole coordonne avec les textes et que les autres sahabas l'ont entendu et que personne n'a rien dit. Là, son kalam devient un argument. Et il y en a d'autres qui disent que non. Que l'argument, c'est que Kitab wa Sunnah. C'est-à-dire ce que Allah a dit dans son livre, la Sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi l'Ijma' Taban, ou la Qiyas al-Sahih. Là, je parle de ce qui est du Wahi. Que le kalam de Sahabi, c'est pas un Wahi. C'est pas une révélation. Taïeb, également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, suivez donc ceux d'après moi, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar. Donc lui il dit que ça va être devenu un ijma des sahaba, ceux qui ne se sont jamais réunis sur un égarement. Ils n'ont jamais tous d'accord sur un égarement, ce n'est pas possible. De ce qu'ils ont rapporté ou compris du Coran et de la Sunna. Naam. Donc ces shurut, là, sont cités de façon résumée, rapportés par Sofiane, Al-Thawri, et Masrouk, et Abdurrahman ibn Adba. Il dit كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتابا وشرط عليهم فيه. Donc lorsque Omar s'est concilié avec les chrétiens du Sham, il leur a écrit un livre contenant les conditions ci-dessous citées. أن لا يحدثوا في مدنهم ولا ما حولها ديرا أو ديرا ولا سومعة ولا كنيسة ولا كلاية لراهب. Voilà, il jette Didou Mahoureba. Ou Mahoureba. Donc il dit qu'ils ne construisent pas dans leur ville. Là, je vais te le dire. Qu'ils ne construisent pas dans leur ville, ni autour de leur ville, d'église, ou de monastère, ou d'abri, de refuge pour les prêtres. Ils ne construisent pas. Ni dans la ville, ni autour de la ville, là où il y a les musulmans. Et qu'il y a également. Ils ne reconstruisent pas ce qui a été détruit de leur lieu d'adoration. ثم قال ولا يمنع كنائسهم أن ينزل أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم. Également, qui n'empêche pas aux musulmans qui viendraient dans leurs églises d'y résider trois jours et qui doivent les nourrir. Si des musulmans viennent en voyage, ils ont rentré dans leurs églises et d'être nourris pendant trois jours. Parole. Voilà, Yahou Jasousan, qui ne réfugie pas d'espions. Que également, il n'accueille pas d'espions. Voilà, Yaktumu Rish El Muslimin, et qui ne camoufle pas non plus ce qui serait une tromperie envers les musulmans. Une escroquerie envers les musulmans. Voilà, Yu'allimu Auladahum El Qur'an, qui n'enseigne pas leurs enfants le Qur'an. Les chrétiens. C'est pas le Coran de leurs enfants. Voilà, yuzhiru shirkan, qui n'extériorise pas leur shirk. Voilà, yamna'u dhawi qurbatihim min al-islam idha araduhu, qui n'empêche pas leurs proches de se convertir à l'islam s'ils le veulent. C'est-à-dire, n'enseignent pas leurs enfants le Coran. Ils ne prennent pas le Coran pour enseigner à leurs enfants. Si quelqu'un enseigne. C'est les mounes qui leur enseignent. Ça, c'est ce qu'il y a écrit là. Il a dit qu'eux n'enseignent pas à leurs enfants le Coran. Les chrétiens. Comment ils enseignent le Coran à un enfant ? Comment veut lancer le Coran, le chrétien ? Il ne le connaît pas. C'est un chrétien, c'est un kafir. Il a le Coran dans les mains, il va l'enseigner. Il y a des musulmans, ils n'y arrivent même pas. Il faut que c'est un chrétien qui va réussir à enseigner à ses enfants. Parce qu'ils vont le harraf, ils vont le changer, ils vont faire, tu vois. Naam. An yuwakkiru al-muslimin. Wa an yakoumu lahum min majalisihim idha aradu al-julus. Qu'ils respectent les musulmans. Et que si ces derniers veulent s'asseoir dans un lieu où ils sont assis, ils se lèvent, ils ont là sa place. Aïe, ouais. ولا تشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم من كلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق الشعر ولا يكتنوا بكناهم également qui ne ressemblent pas aux musulmans en rien dans leurs apparences ni dans leur couvre-chef ni dans leur imama ni dans leurs chaussures ni dans leur fork et charles je crois je sais pas ça veut dire la coiffure ou la façon de se parer les cheveux et qui ne portent pas leur kunya pas comme kunya les kunya des musulmans ولا يركبوا سراجا ولا يتقلدوا سيفا ولا يتخذوا شيئا من سلاحهم donc ils ne grimpent pas sur des selles c'est-à-dire quand ils prennent leur monture ils ne vont pas sur les selles. Qui ne portent pas leurs armes sur eux, leurs épées. Tatakallad min saifik, c'est-à-dire tu marches avec ton épée sur toi, enfourée sur toi. Donc ils ne prennent pas leurs armes avec eux. Voilà une akkeshu khawatimahum bil arabiya. Qui ne gravent pas leur bague avec de l'arabe, de la langue arabe. Il n'y a pas d'écrit sur leur bague avec de l'arabe, de la langue arabe. Voilà yabiyahu al khumur, qui ne vendent pas d'alcool. وَإِنْ يَجُزُّ مَقَادِمْ رُؤُسَهُمْ et qu'ils rasent devant leur tête. Et ça, c'est un truc, je ne sais pas, parce que ça rentre dans le qaza. Le qaza, à la base, c'est interdit en islam. Le qaza, à la base, en islam, c'est interdit. C'est le fait de raser une partie de la tête et pas l'autre, ou d'avoir une partie de la tête courte et pas l'autre. Comme beaucoup font aujourd'hui. Par exemple, ils ont un peu de cheveux au-dessus, après ils font un dégradé sur les côtés. Ça rentre dans le qaza. Normalement, le muslim, les cheveux, c'est uni partout. Ou tu te rases entièrement, ou un petit peu, mais c'est pas un peu là et beaucoup ici. Surtout aujourd'hui, c'est la mode, là, les choses. Les coiffures de punk, là. Ils ont une crête comme des coques. Une mèche derrière, une mèche sur le côté, un trou là, un trou à gauche. On dit, y a des chiens galeux. Ça, masalan, ça c'est interdit. Mais là, ce qu'ils font, là, c'est quand, à la base, le kafir est sous les charges de l'islam. C'est-à-dire, ce qui est interdit aux muslims, ça l'est aussi le kafir. Donc ça, il y a un ishkel. Faudrait voir. En tout cas, c'est écrit là. Charles de Sam dit qu'il leur faisait se raser le devant de la tête. Peut-être c'est un tout petit peu à l'aralem, à quel degré c'était. En tout cas, c'est pour qu'on le reconnaisse. وَنْ يَلْزِمُوا زَيَّهُمْ حَيْثُمَا كَانُوا et qu'ils restent dans leur accoutrement à eux, où qu'ils soient. Ce qu'ils leur apportent comme vêtements, ils restent dedans, avec. وَنْ يَشُدُّوا الزَنَانِرْ عَلَىٰ أَوْسَوَتِهِمْ et qu'ils serrent leur taille avec, je pense que les zananir, c'est les cordes. Comme les moines, là, ils ont là, en guise de ceinture. ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق او من طريق المسلمين qui ne laissent apparaître aucune croix ni rien de leurs livres sur le chemin des musulmans ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يضربوا الناقوش الا ضربا خفيا et également qu'ils ne mettent pas leur mort à côté des morts des musulmans n'enterrent pas leur mort à côté des morts des musulmans et qu'ils ne frappent pas de la cloche à part un coup léger. À la base, la cloche en islam, c'est interdit. Comme c'est dans le hadith, ça fait fuir les anges. وَيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِكَرَاءَتِهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ فِي شَيْنْ مِنْ حَضْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ qui ne lèvent pas leur voix lorsqu'ils récitent de leurs églises, lorsque les musulmans sont présents. وَلَا يَخْرُجُوا شَعَانِينَ et qu'ils ne sortent pas pour... شَعَانِينَ, c'est les rameaux, le dimanche des rameaux. C'était l'entrée où, comme ils disent eux, dans leur version eux, que Jésus c'est rentré à Jérusalem. Donc les gens l'ont accueilli avec quoi? Avec plein de feuilles, parmi eux avec des rameaux. Et le dimanche d'après, c'est la Pâque. Donc ils disent, les rameaux, vous sortez pas. Alors que là, c'est une grande fête chez les chrétiens. Dimanche des rameaux. وَلَا يَرْفَعُوا مَا مَوْتَاهُمْ أَصْوَاتَهُمْ qui ne lèvent pas leur voix avec leur mort. وَلَا يُظْهِرُوا أَنِيرًا مَاهُمْ il ne faut pas apparaître non plus de feu avec eux. ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين qui n'achètent pas d'esclaves ce qui pourrait justement remettre en péril le contrôle des musulmans sur eux c'est-à-dire après d'avoir plein d'esclaves ils seront nombreux فإن خارفوا شيئا مما اشترط عليهم فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق donc ils ne contredisent en rien une seule de ces conditions-là sans quoi il n'y a plus de zimma, plus de protection, plus de pacte. Et qu'il leur sera permis aux muslimines d'agir sur eux comme sur les gens de l'obstination et de la division, les gens du kufr, à l'état pur. Plus de protection, plus de pacte, plus rien du tout, c'est la guerre. Donc tu vois la izza qu'avaient les muslimines à l'époque. Et aujourd'hui, malheureusement, de ces shurouts, c'est nous qui les subissons. Par exemple, la zen, pas d'azan. Encore, Le Moussim disait, c'est une cloche léger. Nous, c'est même pas rien du tout, la Falen. Tout ce qui est manifestation religieuse, quand je dis manifestation, je parle pas des sorties, mais je parle de le fait d'extérioriser une chose de religion dans l'extérieur, c'est sous contrôle. Et discret. Parce qu'on m'a appris qu'il y en avait un en France, il a eu des problèmes avec la justice, parce que c'est un maktaba, il avait écrit la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Il y a eu des problèmes avec la justice à cause de ça. C'est-à-dire même la shahada, tu l'extériorises, t'as des problèmes. Pour te dire. Donc ça, c'était les shurut, hein, qui étaient émises à l'époque où l'islam était vraiment en force. Où les musulmans étaient sur leur religion et ils faisaient peur aux kuffar. Quand les kuffar, c'est que les musulmans débarquaient, ils avaient peur. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est le contraire. C'est les musulmans qui ont peur des kuffar. Car justement, cela à cause de quoi? Que la dunya les a dominés. Donc on poursuit là, on va prendre ce que le shir a pris comme point récapitulatif des méfaits engendrés par cette darwa de ces gens qui appellent à la clémence, qui appellent à la clémence avec les kuffars. Ah, ok, dit awalen, muhawalat tashwih jamal al-islami wa khadsh mahasini, حيث إنه عندهم غير شامل كامل ملزم كل مكلف عملا بقوله تعالى أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. Donc avec cela, ils tentent premièrement de noircir la beauté de l'islam et d'amoindrir de ses avantages, on va dire, de ses privilèges, du fait que pour eux, la religion n'est pas complète, elle n'est pas terminée, elle n'est pas achevée. Hein? Comme contrairement à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit dans le sens et il m'a été révélé ce Coran pour vous avertir wa qawluhu ta'ala ma farratna fil kitab min shay thumma ila rabbihim yuhsharun, et dit dans le livre nous n'avons rien oublié et ensuite c'est vers leur Seigneur qu'ils reviendront. Le livre il est complet. Wa kadhalika qawluhu ta'ala اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous ma religion et j'ai complété pour vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Donc, toutes ces preuves viennent à démontrer que la religion est parfaite, mais pour ces gens, apparemment, ils ne s'en vont pas satisfaits. ثانيا إلغاء الولاء والبراء بما يغرد المسلمين إلى محبة الكافرين فيقعون في الخطأ المبين. Donc il dit également, cela amène à annuler l'alliance et les deux aveux, ce qui expose le musulman à l'amour des mécréants, qui le fait tomber dans un grand danger, comme les preuves l'ont démontré précédemment, c'est-à-dire au cours du livre, toutes les preuves sur le Walal Bara. Thalithan, tafriq al-muslimin wa ighra'i al-adawati wal-barda baynahum, wallahu azza wa jal yakulu, inna hadihi ummatukum ummatan wahida, wa ana rabbukum fa'budun. ويقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Donc cela amène à diviser justement les musulmans et à mettre de la haine entre eux, car dans le sens Allah il dit: telle est votre communauté unique, je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Et dit dans le sens également, et accrochez-vous à Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous alors que vous étiez encore ennemis. Alors il a joint entre vos cœurs, uni entre vos cœurs et vous êtes devenus des frères par son bienfait. Alors que vous étiez sur au bord de l'abîme du feu et il vous en a sauvé. C'est comme ça que Allah déclare pour vous ces versets afin que vous soyez bien guidés. قال ودوات التسامح مع الكفار تعارض هذه الأصول فتسبب غاية الفرقة. Donc l'appel à l'indulgence et à la clémence envers les koufars s'oppose totalement à ces preuves, ce qui causera une parfaite division dans la Oumma, entre ceux qui vont défendre, par exemple, et ceux qui vont, hein, qui vont pas se laisser faire. Ça va amener à la division. Ceux qui appellent à s'allier à eux, et ceux qui appellent à désavouer d'eux. Ça va amener une division entre les musulmans. En plus, les versets sont mal compris, donc ça va mettre une division entre les musulmans. Rabi'an, at-taghrib fi tansir wa tahwid, ad-da'watu ila riddah عن دين الإسلام وتقريب المسلمين إليهم ومخالطتهم وتزيين الكفار في أعينهم. Cela amène à quoi? Ainsi justement à instaurer le christianisme et le judaïsme et appelle à l'apostasie au sein des musulmans. Et cela appelle également à rapprocher les musulmans des kuffars. et qui se mélangent à eux, et à embellir les koufars dans leurs yeux, dans leur vision des choses. Je vais aller voir les vénérés. Khamisan, tamkin les douel el yahoud ou nasara bin nash afkarihim, ou estifaratihim min kudrat il ummati maddiyen ou amanawiyen hatta yassir al muslimoun alata alayhim. Donc cela aide à instaurer et à renforcer les états juifs et chrétiens afin qu'ils diffusent leurs idéologies et qu'ils profitent du potentiel, on va dire, de la communauté, que ce soit par leurs biens ou par leurs compétences, et que les musulmans vont finir par devenir inférieurs à eux, du moins à leurs yeux. Ils vont voir les musulmans comme étant inférieurs à leurs yeux. Ils vont leur subtiliser tous leurs biens, leurs richesses, autant culturelles et patrimoine que religieuses et également matérielles. Khamisan, ou sadisan, il ra sha'irat al-amr bil-ma'ruf wa nahy al-munkar, haythu yusawwidu 'ala al-nas فكر التسامح بلا نكير على أي منكر كما تقدم بيانه في هذه الرسالة التسامح التي أساس أدر رد que cela également abroge l'emblème que représente l'ordonnance du bien et la prohibition du mal. Car justement, cette idée de clémence et d'indulgence envers les musulmans ne sera plus blâmée. Et cela également a été précédé dans cette risala, qui elle-même, justement, c'est là la base de ce rad, justement, c'est Al-Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar. Sabi'an, il roche Ayrat al-Jihad fi Sabilillah, ou Tahdith al-Nafs bi-Zalika. Donc, certainement, que cela amène également à abolir l'emblème du Jihad, selon le sens d'Allah, et même à empêcher ce que les gens n'y pensent en eux-mêmes. Ils n'y pensent même plus, après ce genre de livre. Ce genre de Afkar, ils ne pensent même plus au Jihad. Le Jihad, il sert à quoi, vu que les Koufars, il faut être indulgent envers eux. Envers eux. Ils ne pensent même plus au jihad. Et tu sais qu'arriver au stade de même plus en penser, cela est une quoi ? Une branche du défaire. Faminan. Bas fikrat al-hadara wa ishghal al-nas biha an dinihim. Donc, huitièmement, que cela amène à propager cette idée de civilisation et distraire les gens de leur religion. Qu'ils pensent que à ça, l'esprit de civilisation humaine, générale. À tel point qu'ils en oublient les spécificités de leur religion. Ils pensent plus à s'adapter à ceux qui sont autour d'eux qu'à s'adapter à la religion de l'islam. Tasiran. Bas fikr wa asalib et tashabbuh bil kafirin fi kulli shi'in wa ma'loum wa al-ma'loum al-nahi anhu shal'an. Que cela également amène à diffuser différents procédés qui amènent à ressembler aux kuffar en tout domaine. Et il est connu que cela est interdit, au point de vue de la législation. Ashiran. Bas تدخيم الكفار في عيون المسلمين حتى يقذف الوهن في قلوب المسلمين وتسيطر عليهم المهابة من الكفار الذين قال الله عز وجل عنهم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما شركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Donc cela amène à quoi ? À grandir dans leurs yeux et à mettre un complexe d'infériorité dans le cœur des musulmans, sur lequel ils vont se faire dominer par un esprit de suprématie des kuffars. Ceux, justement, dont Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, et nous allons certes mettre dans le cœur de ceux qui ont mécru l'effroi pour ceux qu'ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala, dont il n'a descendu aucune preuve. Et leur refuge est le feu, et quelle mauvaise destination pour les injustes. Wal hadi ashar wal akhir, at-tasamuh al-mafkur yu'addi ila al-fikr al-ilmani al-mulhid, fa fi al-mawsu'a al-muyassara fi al-adyan wal-madhahib. والأحزاب ذكر أن من أفكار العلمانية فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي والتعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة بزعم أن الإسلام يستنفذ أغراضه. Donc, onzièmement et dernièrement, que cette clémence citée amène justement à cette idéologie de laïcité, car elle était citée dans Al-Mawsu'a Al-Maysira fi Al-Adyan Wal-Mazahib Wal-Ahzab Al-Mu'asara, c'est un livre en volume 2, page 682, que parmi justement les idées des laïcs, qui veulent justement diviser la religion de la politique, de l'État. Et que la vie ne soit basée que sur un contexte matériel, plus religieux, plus de foi. Et que cela amène justement à diffamer la réalité, l'essence de l'islam et du Coran et de la prophétie. Donc de là s'achève cette qira'a de cette risala, al-mufida, al-jamila, jiddan, wa nas'al Allah أن يجزي كاتب خير الجزاء وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي من الشيطان نسأل الله يصلح المسلمين ويجنب الفتن ما ظهر منه وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دمام أفاف.com